ouvre un livre comme le manuel d'Épictète, il peut se produire ce genre de choses, si tant est qu'on en ait quelque chose à faire de la philosophie. Une attente. On attend, en dépliant ces quelques dizaines de pages à peine, de trouver des réponses, non pas seulement sur le monde qui nous entoure, mais sur notre manière de vivre. Comme n'importe quel manuel, on se dit qu'en s'y plongeant, nous apparaîtront, à portée de main, des solutions, des recettes, une conduite pour bien vivre. Mais comme d'habitude, le miracle ne se produit pas. Ou du moins, pas de cette façon. Ce n'est pas qu'Épictète ne donne pas de réponse, mais c'est que celle-ci soulève bien d'autres questions encore. Encore heureux, c'est peut-être là une manière de nous interroger sur ce qu'on attend de la philosophie et l'idée, souvent fausse, qu'on s'en fait pour bien vivre. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec stoïcisme. Lorsque nous nous représentons le sage stoïcien, nous concevons un homme tendu, luttant contre ses passions et contre sa nature. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression d'une vogue actuelle des stoïciens et des moralistes. Épictète est un des philosophes du monde qui ait mieux connu les devoirs de l'homme. On m'a demandé d'être stoïque. Le ton dura là-bas, à la mine sombre. L'homme du portique. Allez, on va dire, c'est moi. Épictète, une sorte de saint de l'austérité païenne. Qui ne s'intéresse à rien. À votre avis, qui est Géraldine ? Du point de vue moral, c'était un stoïcien. Qui êtes-vous, Géraldine ? Bonjour, Olivier Djéragnan. Bonjour. Vous êtes agrégé docteur en philosophie, professeur de philosophie au lycée Sainte-Marie à Antony et chercheur associé à l'équipe Grammata de l'Université Paris 1. On vous doit plusieurs ouvrages sur Épictète, la traduction et l'appareil pédagogique du manuel d'Épictète aux éditions GF, l'édition des étudiants, des lycéens, l'édition incontournable, la traduction, la présentation et les notes des sentences et fragments d'Épictète aux éditions Manutius et apparaître en 2022, l'apprentissage de la responsabilité, essai sur le stoïcisme d'Épictète aux éditions Vrin. Eh bien, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité, du stoïcisme et d'Épictète. Est-ce que vous pouvez nous présenter tous ces termes différents, Olivier Djéragnan, et notamment Épictète ? On parle beaucoup plus de Sénèque, de Marc Aurèle, et Épictète, on n'en a qu'une vague idée, peut-être même pas une seule. Oui, et pourtant c'est l'un des trois grands stoïciens de l'époque impériale, donc à côté de Marc Aurèle et Sénèque. Donc l'époque impériale, c'est vraiment la troisième et dernière séquence historique du stoïcisme. Et pourtant, Épictète était aussi, en son temps, l'un des philosophes les plus célèbres, les plus réputés, parce que il incarnait le stoïcisme. Épictète, c'est le philosophe esclave, à côté de Marc Aurèle, donc le stoïcien empereur. Et cet esclavage, la condition dans laquelle il était, même la condition physique, je pense qu'on en reparlera, dans laquelle il était, c'est de lui une sorte d'incarnation de la philosophie, un peu à la manière de Socrate. D'ailleurs, comme Socrate, Épictète n'a rien écrit. Donc ça n'est pas le manuel d'Épictète dont on va parler ? C'est le manuel d'Arien à propos de la philosophie d'Épictète, effectivement. Quand on dit manuel d'Épictète, c'est Épictète, encore une fois, n'a rien écrit. C'est le manuel, une sorte de condensé des entretiens d'Épictète, eux-mêmes rédigés par Arien, après la mort d'Épictète. Et alors, qui était Épictète, plus précisément ? Alors, Épictète... S'il n'a rien écrit, mais qu'il a fait de sa vie une philosophie, comment a-t-il procédé ? Pourquoi le stoïcisme ? Expliquez-nous. Alors, déjà, il naît esclave, a priori, hein, comme son nom l'indiquerait, parce qu'Épictète, c'est celui qu'on a acquis récemment, en grec. Il naît esclave en Phrygie, donc vers 50 après Jésus-Christ, c'est-à-dire début du règne de Néron, quand Sénèque est précepteur de Néron. Il naît en Phrygie, dans la cité sainte d'Hierapolis, et très rapidement, il devient l'esclave d'Épaphrodite, donc qui est un affranchi de Néron, à Rome, donc il va à Rome. Épaphrodite, c'est un maître qu'on dit cruel. C'est le philosophe romain Cels qui explique que si Épictète claudiquait, parce qu'il était boiteux, ce serait à cause d'Épaphrodite qui le torturait. Donc des mauvais traitements, ouais. Ouais, des mauvais traitements d'Épaphrodite. Et on raconte cette anecdote célèbre que un jour, Épaphrodite donc le torturait gratuitement une fois de plus, et Épictète lui a fait voir, comme on dit chez Épictète, les antécédents, les conséquents, et lui a dit que bon, si tu continues de tordre ma jambe, tu vas la casser. Épaphrodite continue de tordre la jambe d'Épictète, il la casse, et là Épictète de répondre, tu vois, je t'avais dit que tu allais la casser. Voilà. Et donc c'était déjà quand même un esclave qui était philosophe, qui pouvait quand même répondre à son maître, donc qui était déjà un esclave en voie d'émancipation, on peut dire. Oui, alors... Ça, c'est une légende un petit peu. Ah oui, c'est la légende, bien voilà. Sûr. C'est la légende, c'est le mythe. Et on pense qu'Épictète a crié, et heureusement d'ailleurs. L'apathie, ce n'est pas une insensibilité. L'apathie stoïcienne, ce n'est pas une insensibilité. Mais en fait, tout est là déjà dans cette petite histoire, cette légende. C'est-à-dire que, comme je disais, Épictète, c'est vraiment l'incarnation du stoïcisme. Et c'est ce qui fait sa célébrité, c'est ce qui fait qu'il est aussi célèbre en son temps. Parce qu'il a, comme Socrate, en fait, il a payé la philosophie de son corps, si on veut. Maintenant, il n'était pas philosophe dès le départ, il l'est devenu. Épaphrodite, qui était finalement pas si cruel que ça, lui a quand même permis de rencontrer le plus grand philosophe stoïcien à Rome de son temps, qui est Musonius Rufus, dont on parle peu. C'est vrai? Pourquoi? Parce qu'il nous reste peu de choses de lui, que quelques fragments. À l'époque, c'était le philosophe stoïcien le plus éloquent. Le plus en vue. Et donc Épictète s'est très rapidement fait le disciple de Rufus, Rufus qui l'a initié au stoïcisme, qui l'a initié à ce continent énorme qu'est la philosophie grecque. Donc il faut savoir que le stoïcisme à cette époque, c'est peut-être 350 ans, 400 ans d'existence, hein, maximum. Donc il y a autant d'écart entre Épictète et les premiers stoïciens qu'entre nous et Descartes, par exemple. Mmh. Donc c'est une philosophie qui a eu le temps de mûrir, et qui s'est imposé progressivement à Rome, d'abord dans la République romaine, puis dans l'Empire. Et donc Épictète va devenir en fait l'élève, le disciple de Rufus. Il va s'attirer une certaine forme de popularité, il va devenir assez célèbre dans les milieux pro-républicains, donc il va s'attirer aussi les foudres de l'empereur. Il faut savoir que les stoïciens à ce moment-là sont plus du tout en odeur de sainteté vis-à-vis du pouvoir impérial. Ils ont été pour certains bannis, pour d'autres ils ont été même condamnés à mort. Rufus aura été exilé et Épictète sera exilé lui aussi plus tard par Domitien en 94 après Jésus-Christ. Et là, c'est en esclave affranchi cette fois-ci, il aura été affranchi par Épaphrodite, qui quittera Rome pour l'Épire, et la cité portuaire de Nicopolis où il va ouvrir son école. Et là, il aura à peu près une cinquantaine d'années, on pense. Et alors ce manuel, d'où vient-il? On l'a dit, hein, ça n'est pas le manuel d'Épictète, c'est le manuel d'Épictète où ses idées viennent de lui, mais ça n'est pas été restitué par lui. Alors il y a aussi des entretiens qu'a écrit, alors qui n'ont pas été écrits non plus par Épictète. Il y a aussi des sentences, des fragments. Quelle est la spécificité de ce manuel dans l'œuvre, si on peut parler d'œuvre d'Épictète? Donc ce manuel, il est écrit par Arrien. Donc Arrien, il a une vingtaine d'années quand il rencontre Épictète. C'est un homme politique. C'est ça. Ce sera un futur homme politique, grande carrière politique et militaire aussi, et grand écrivain. Alors, Arrien voulait être le nouveau Xénophon. Et c'est pour ça qu'il a voulu écrire les mémorables d'Épictète. En fait, les entretiens d'Épictète, c'est les mémorables d'Épictète, comme Xénophon l'avait fait pour Socrate. Socrate qui n'a lui-même rien écrit. Épictète, c'est le petit Socrate de l'époque impériale. Et donc, Arrien reste quelques mois donc autour de, on pense, hein, autour de, du début du enfin, premier siècle après Jésus-Christ. Deuxième siècle après Jésus-Christ, donc vers 108 à peu près. Et il reste quelques mois auprès d'Épictète. Il assiste au cours. Les entretiens, c'est plus les notes de cours d'Arrien, mais c'est des cours qu'on pourrait dire exotériques, c'est-à-dire les cours qui auraient lieu peut-être l'après-midi, un peu comme à la manière du lycée d'Aristote. On avait une division du cours entre les cours ésotériques qui étaient vraiment réservés aux disciples, donc les cours techniques de philosophie stoïcienne, et des cours exotériques, là, c'était ouvert aux tout-venants, ce qui a d'ailleurs fondé la popularité d'Épictète à Nicopolis. Et donc Arrien, un peu sous la contrainte, pense-t-on, a été obligé de publier officiellement ses notes de cours 10 ans après la mort d'Épictète, parce qu'elles commençaient à circuler un peu partout. Et il fallait leur donner une forme un petit peu officielle et sérieuse. Voilà, c'est ça. Et donc les entretiens, ce sont les mémorables d'Épictète, et il a décidé d'en faire un manuel. Donc tout vient quand même de Arrien. Cette idée de manuel, c'est vraiment Arrien. Eh oui. Vous avez l'air désespéré, c'est ainsi. Oui, parce que ce qui est désespérant, c'est qu'Épictète ne cherchait pas à assurer une sorte de pérennité dans son enseignement. Il a fallu qu'Arien, visiblement, décide d'en faire un manuel. Alors, ce qui est intéressant, c'est le mot manuel. Voilà. Est-ce que ça, c'était contraire à l'idée que pouvait se faire Épictète de la philosophie ? Est-ce que ça, alors, à défaut de ne pas l'avoir laissé de manière orale, de l'avoir préservé de manière orale et de l'avoir entériné dans l'écrit, est-ce qu'au contraire, par contre, le manuel, ça aurait convenu à Épictète ? Alors oui, je pense que ça aurait convenu parce qu'Épictète ne cesse de dire, alors là c'est sur la foi du témoignage d'Arien, qu'il faut tout le temps avoir sous la main, donc prokeiron en grec, il faut tout le temps avoir sous la main les dogmes et notamment la fameuse division fondamentale dont on va parler, entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, pour pouvoir non seulement se la remémorer en permanence, mais pour pouvoir affronter dans la vie quotidienne les représentations qui seraient troublantes, qui risqueraient de nous emporter. Et donc Arien décide de faire une sorte de collection de 53 chapitres qui aurait pour but de transcrire en fait les principales orientations philosophiques d'Épictète, ses principaux dogmes. Et pour que le disciple, alors progressant ou non philosophe, insensé, il y a encore un débat parmi les spécialistes là-dessus, mais en tout cas pour que le disciple puisse parvenir à la sagesse, pour qu'il puisse tenir dans la main. Donc l'idée du manuel, c'est l'enkeiredion en grec, c'est ce qu'on tient dans la main, mais c'est aussi un poignard, c'est aussi ce qui nous sert à nous défendre. Il y a une sorte de jeu de mots en fait utilisé par Arien. Et nous défendre contre quoi ? Nous défendre non pas contre les autres, mais nous défendre contre toutes les représentations, comme j'ai dit, qui pourraient nous emporter, qui pourraient nous empêcher d'être heureux et de faire notre devoir. Alors, avant de venir précisément à ce premier texte qu'on va écouter, qui ouvre véritablement le manuel d'Épictète et qui est quand même une proposition fondamentale du stoïcisme, juste encore une question, Olivier Gérignan, sur ce manuel. Est-ce que, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, à quoi doivent-ils s'attendre en ouvrant ce manuel ? Est-ce qu'on devient vraiment sage une fois qu'on a lu ce manuel ? Est-ce qu'il faut le lire régulièrement, tous les jours ? Est-ce qu'il faut le lire en cas de coup dur ou au moment où ça va bien ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Alors, c'est vrai qu'il y a une promesse de la philosophie, et c'est la philosophie hellénistique, hein, qui n'est pas une philosophie... autotélique, c'est pas une philosophie. Le but de la philosophie hellénistique n'est pas le loisir. On n'est plus chez Aristote, avec l'épicurisme déjà, puis le stoïcisme, puis le scepticisme. Il faut savoir quand même que le loisir chez les Grecs, c'est pas du tout le loisir comme nous on l'entend, le week-end à se détendre. Non, c'est comme voilà, c'est vraiment c'est ce qui est aujourd'hui pour nous en fait la une étude, un exercice de l'esprit. Mais donc c'est pas un loisir à la plage par exemple ou devant la télé. Exactement. Ça, ce serait plutôt du délassement que du loisir. Le loisir, c'est vraiment l'activité noble par excellence. C'est, chez Aristote, c'est ce qui correspond à l'activité de l'homme libre, du citoyen par rapport à l'esclave. Avec Épictète, on n'est plus là-dedans. Plus du tout, puisque la philosophie, elle a une fonction essentiellement pratique. Si jamais elle n'a pas d'utilité pour la vie heureuse ou pour faire son devoir, elle ne sert à rien. Donc, il y a une promesse, effectivement, du manuel d'Épictète. Est-ce qu'elle est tenue ? Tout dépend de la manière dont on s'en sert, encore une fois. Et s'il s'agissait simplement d'apprendre par cœur les dogmes stoïciens, et j'en sais quelque chose pour avoir passé quelques années à leur étude, les apprendre, ce serait trop facile. La conséquence ne vaut pas. Et donc, évidemment, il s'agit de se les répéter. Il faut que ça infuse. Il faut qu'il y ait tout un processus d'habituation, en fait, finalement. Exactement comme dans l'épicurisme, par d'autres manières. Mais il faut qu'il y ait un processus d'habituation et surtout en cas de coup dur. C'est-à-dire, c'est seulement en temps de guerre qu'on voit si on est stoïcien. Tout le monde est stoïcien en temps de paix, ça, il n'y a aucun problème. Je vous propose qu'on commence à intégrer cette philosophie stoïcienne en écoutant la première proposition du manuel d'Épictète, c'est interprété par François Raison. On September 9th, 1965, James Stockdale... Le 9 septembre 1965, l'avion Skyhawk de James Stockdale a été abattu au-dessus du Vietnam. Il fut fait prisonnier par les Nord-Vietnamiens et passa les 7 années suivantes à être torturé et soumis à la plus grande solitude et terreur. Mais heureusement, 3 ans avant de partir, on lui avait recommandé un livre. Ce livre, dit-il, lui a sauvé la vie. That was the perfect philosophy for this prison. C'était la parfaite philosophie pour cette prison, pour moi qui l'avais étudié. But I wouldn't want to make that. Mais je ne voudrais pas en faire une obligation pour quiconque. Mais si vous voulez vraiment savoir comment supporter une situation telle que celle où nous étions, Épictète avait la meilleure solution qui soit. Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Dépendent de nous d'une part le jugement, l'impulsion, le désir, l'aversion, et en un mot, toutes nos activités propres. Ne dépendent pas de nous, d'autre part, le corps, nos biens matériels, les opinions que les autres ont de nous, les magistratures, et en un mot, tout ce qui n'est pas notre activité propre. Et les choses qui dépendent de nous sont par nature libres, non entravées, non empêchées, tandis que les choses qui ne dépendent pas de nous sont faibles, serviles, entravées, étrangères. Souviens-toi donc que si tu crois libres les choses qui par nature sont esclaves, et si tu crois tiennes celles qui te sont étrangères, tu seras empêché, affligé, troublé, tu blâmeras et les dieux et les hommes. Mais si tu crois que seules sont tiennes celles qui sont tiennes, et que t'es étranger comme c'est le cas ce qui t'est étranger, personne ne te contraindra jamais, personne ne t'entravera. Tu ne blâmeras personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras rien contre ton gré, personne ne te fera du tort. Tu n'auras pas d'ennemis, car aucun tort ne t'affectera. Par conséquent, applique-toi aussitôt à dire en outre à toute représentation pénible, tu es une représentation, et pas du tout le représenté. Ensuite, examine-la et éprouve-la au moyen des règles que tu possèdes. D'abord et par-dessus tout, au moyen de celles-ci. Relèvent-elles des choses qui dépendent de nous ou de celles qui n'en dépendent pas? Mais si elle fait partie des choses qui ne dépendent pas de nous, est sous la main la réponse « Ce n'est rien pour moi ». France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Alors, comme je l'avais annoncé, nous avons bien entendu la première proposition du manuel d'Épictète interprétée par François Raison. Mais j'ai fait une erreur, j'ai annoncé ce texte comme si on allait l'entendre tout de suite, alors qu'en fait, on a entendu au départ la voix de James Bond Stockdale. Alors, quand vous l'avez entendu, Olivier Géragnan, vous avez eu un grand sourire, vous l'avez tout de suite reconnu. Alors, cette personne, donc, qui est un pilote de l'US Navy, nous dit que ce qu'il a permis de tenir dans les coups les moments les plus durs, c'est le manuel d'Épictète. Donc c'est exactement ce que vous disiez, Olivier Géragnan. Finalement, ce manuel nous sert en cas de coup dur. Oui, oui, il doit servir en temps de guerre. Alors là, l'exemple est parfait. Pas en temps de paix. Je pense que ici, c'est vraiment l'application. On va reparler. C'est l'application de la première, notamment de la première discipline philosophique, c'est-à-dire la maîtrise du désir et de l'aversion, qui a permis visiblement à cet officier de supporter l'enfer des camps du camp de prisonniers au Vietnam. Et alors, on a entendu donc ce texte. Il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, il y a quand même cette proposition parmi les choses. Il y a cette proposition, enfin cette thèse incontournable, parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Ça a l'air simple dit comme ça, on se met aussi d'ailleurs dans la peau de James Bond Stockdale et on peut se dire effectivement, je suis emprisonné, il faut simplement que je voie les choses autrement. Finalement, cette prison me permet peut-être de réfléchir, de ne pas me sentir, de pas uniquement assimiler la liberté au fait d'être en liberté dehors, mais pas en être enfermé. Finalement, en fait, cette proposition-là paraît assez simple, mais quand on s'y plonge un petit peu plus, finalement, déjà, on se demande, c'est qu'est-ce qui peut dépendre de nous? Pourquoi ce terme de dépendre? Et qu'est-ce qui ne dépend pas de nous? Est-ce que ce qui ne dépend pas de nous, c'est finalement ce qui se passe en dehors de moi? Ce sont les autres? Est-ce que c'est aussi la maladie, les coups durs, le destin? Ou est-ce que c'est plus que ça encore? Oui, alors, la division, elle apparaît comme une division scolaire. C'est pour ça que Arien choisit d'ouvrir le manuel par cette division. Ça ressemble beaucoup, en fait, aux divisions scolaires des stoïciens. En fait, pour être même très précis, c'est une contre-division. C'est pas une division, puisqu'on divise pas un genre en ses espèces constitutives, mais on divise un genre en son espèce selon la contrariété. Donc, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. La fonction de cette division, elle est d'abord cosmologique. C'est-à-dire qu'il s'agit de montrer qu'au sein du monde, d'un monde qui serait totalement déterminé donc par le destin, il y aurait une sorte d'enclave. D'enclave, c'est un territoire, en fait, une zone exclusive où s'exercerait notre pouvoir absolu. Cette enclave, c'est l'âme. Donc il y a, en fait, il y a un pouvoir et un contre-pouvoir, quoi, si on veut. C'est-à-dire que vous avez non pas une cartographie du monde, ou comme chez Aristote, par exemple, qui utilisait aussi cette division, où on chercherait à montrer quelle est la zone du praticable dans cette dans le monde sublunaire. Chez Aristote, on sait que le monde sublunaire est grévé par la contingence, mais il y a certains secteurs où on peut délibérer, d'autres on ne peut pas délibérer. Il ne s'agit pas de faire ça, en fait, chez Épictète. Il s'agit vraiment de montrer qu'il y a deux zones exclusives où un pouvoir souverain s'exerce. D'un côté, notre âme, et d'un autre, le monde, le destin, et en l'occurrence, où s'exerce le pouvoir des autres. Donc il y a une rupture, en fait, de la causalité. Il n'y a pas de transition causale entre ces deux mondes. C'est-à-dire que bien que je puisse avoir une sorte de pouvoir sur ce qu'on va appeler les indifférents, sur mon corps, sur les autres, sur ma réputation. Donc tout ce qui ne dépend pas de moi, on peut l'appeler les indifférents. Voilà. On les appelle les indifférents. C'est-à-dire c'est des choses qui ne font pas la différence entre le bonheur et le malheur dans l'idée stoïcienne. Les indifférents, c'est ça. C'est ce qui n'est ni bien ni mal. Donc ça ne fait pas de différence dans l'obtention du bonheur ou du malheur. L'idée, c'est que je n'ai pas de pouvoir absolu sur ces choses. Parce que ces choses sont sous la dépendance d'autrui et, en définitive, sous la dépendance du destin. Mais ça, on peut quand même faire une objection à Épictète. Ne dépend pas de nous le corps. Ah si, mon corps dépend de moi. Il ne tient qu'à moi de bien l'entretenir, de me reposer, de bien boire ou de beaucoup boire ou de bien manger ou de mal manger. Bien sûr. Alors, oui, vous pouvez effectivement prendre soin, et d'ailleurs il faut même prendre soin de son corps, il ne faut pas le négliger, ça c'est une grande leçon aussi du stoïcisme d'Épictète, mais votre corps ne dépend pas de vous parce qu'en définitive vous n'êtes pas responsable de sa mortalité. Tout ce que vous pouvez faire, c'est effectivement l'entretenir, le soigner. D'ailleurs, il faudra le soigner, il faudra chercher à le guérir quand il est malade, mais il ne faut pas partir du principe que j'ai sur cet objet un pouvoir absolu. Et c'est dès lors que je confondrai les objets, donc, qu'on va appeler extérieurs à ma pro-hérésie, c'est-à-dire ce que je suis moi, dès lors que je confondrai, en fait, le lieu de ces objets avec, en l'occurrence, mes activités, le lieu de mes activités pro-hérétiques, c'est-à-dire les activités de mon âme, hein, le désir, l'aversion. Pro-hérétique, quelle est l'étymologie? Oui, pardon. Pro-hérétique, ça vient de la pro-hérésis. Donc la pro-hérésis, c'est ce qu'on traduit généralement par la faculté de choix. Aujourd'hui, avant, on disait personne morale, on peut dire volonté aussi. La pro-hérésis, c'est ce que je suis, c'est moi. Et si je... C'est moi en fonction des choix que je peux faire. C'est-à-dire que ce n'est pas moi de manière passive ou comme une substance, c'est vraiment quand même en capacité d'agir. Oui, alors, capacité d'agir, en tout cas capacité de choisir. De choisir. Parce que capacité d'agir, ce serait ici identifier le moi au corps. Et Épictète veut vraiment marquer ce sorte de dualisme moral, pas ontologique, hein, pas de manière platonicienne, hein, mais cette sorte de dualisme moral, Épictète veut vraiment marquer la différence entre moi et mon corps. À commencer donc par mon corps. Ensuite, moi, ma richesse. Moi, les autres, ma réputation, etc., etc. Donc, ce qui dépend de moi, ce sur quoi j'ai un pouvoir absolu, ce sur quoi je suis absolument maître, qui fonde ma responsabilité, ce sont, ce qu'Épictète résume à l'usage des représentations, ce sont donc mes désirs, mes aversions, mes impulsions, mes répulsions. Et le jugement. Ce qu'il appelle donc nos activités propres. C'est les choses qui appartiennent à un domaine absolu, qui est l'âme, qui est, comme je disais, cette enclave liberté, et que le destin ne peut pas contraindre. Même Zeus ne peut pas contraindre, dit Épictète, ma proie hérésie. Oui, donc en fait, c'est quand même une thèse assez forte que de dire qu'il y a quelque chose qui échappe au pouvoir des dieux pour cette époque, mais c'est aussi une thèse très forte parce qu'elle est presque contrainte. Elle est à la fois presque évidente. On se doute bien que ce qui se produit dans mon fort intérieur échappe à toute forme d'entrave, d'intervention extérieure. Et en même temps, c'est contre-intuitif parce que on se dit, oui, effectivement, ça peut y échapper, mais ça me fait une belle jambe d'une certaine manière que ça échappe au pouvoir des autres. Parce que c'est pas ce qui va me rendre libre. C'est pas ce qui va, par exemple, James Bond Stockdale reste dans sa prison. C'est quand même une manière aussi de limiter la liberté à une zone presque dérisoire. Alors, C'est vrai que ce serait même en totale inversion avec la modernité ou même l'époque contemporaine, où ce serait le contraire en fait. La psychanalyse nous apprend que précisément notre âme est, un lieu où nous ne sommes pas maîtres dans notre propre maison, hein, dit Freud. Est un lieu qui ne dépend pas de nous, et à l'inverse, la technique nous rend absolument maîtres et possesseurs jusqu'à l'extrême de la nature. Ici, il faut bien regarder ce qu'Épictète et les stoïciens d'ailleurs avant lui appellent liberté. Pour un stoïcien, la liberté, elle est essentiellement psychologique. Elle n'est pas politique, comme c'est ce qu'il y a chez Aristote. La liberté, elle se définit presque de manière sartrienne déjà avant l'heure. Elle se définit psychologiquement, c'est-à-dire être libre, c'est pouvoir faire ce qu'on veut. Bon. À partir du moment où vous désirez des choses qui ne sont pas en votre pouvoir, c'est-à-dire des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir absolu. Bien, tôt ou tard, votre désir sera mis en échec, ou votre aversion sera mise en échec. Si vous cherchez à éviter des choses qui ne sont pas en votre pouvoir, par exemple la maladie, la pauvreté, la mauvaise réputation, etc., bien, tôt ou tard, votre désir sera mis en échec. Et donc, comment devient-on esclave, d'une certaine manière? Pas physiquement, d'ailleurs Épictète le représente assez bien lui-même par son personnage, mais pas physiquement, mais d'abord et avant tout, essentiellement psychologiquement. La liberté, la servitude, ce sont des modalités psychologiques. Et c'est très difficile à comprendre. Oui. C'est à la fois très évident, comme je le disais, c'est-à-dire que finalement, on se rend bien compte que si, par exemple, on peut prendre l'exemple, par exemple, d'une relation amoureuse, c'est-à-dire se rendre compte qu'on est fou amoureux de quelqu'un, on se sent complètement esclave de cette personne, et à la fois on s'en rend compte, et c'est le fait de nous en rendre compte nous permet quand même de nous dire d'être, on va dire, beaucoup plus lucide, peut-être de s'en dépêtrer d'une certaine manière, mais néanmoins le problème reste le même. Le fait de le savoir ne change pas forcément la manière dont les choses se produisent. Alors c'est sûr que l'amour, c'est une erreur de jugement pour les stoïciens. C'est une passion, et comme toutes les passions, l'amour est à proscrire, comme la pitié, comme la colère, comme la haine. Etc. Maintenant, ça n'implique pas non plus un total détachement et une insensibilité absolue, au contraire. Voilà, je veux vraiment insister sur cette idée selon laquelle dans le stoïcisme, la liberté ne se conçoit pas autrement que psychologiquement. Si on trouve des obstacles à nos choix, à nos désirs, c'est parce que nous-mêmes nous avons désiré les mauvaises choses. Et on retrouve cette idée bien plus tard chez Sartre, 2000 ans plus tard chez Sartre, dans L'être et le néant, lorsque Sartre dit c'est la liberté qui rencontre les limites qu'elle s'est fixées, qui fixe le coefficient d'adversité des choses. Les choses nous paraissent être des adversaires ou des auxiliaires en fonction de nos projets. C'est un peu la même chose, en fait, dans le stoïcisme d'Épictète. Vous pouvez complètement faire disparaître l'obstacle. Par exemple, un événement vous arrive à partir du moment où vous désirez l'obstacle. Si vous désirez l'obstacle, l'obstacle disparaît. Il peut même devenir un auxiliaire, même une occasion pour vous, comme disait Sénèque, une occasio virtutis, c'est-à-dire une occasion pour vous de réaliser votre vertu. Donc les obstacles qui viennent contraindre votre liberté ne proviennent que de nous, finalement. Ne proviennent que de nous, c'est-à-dire que de notre mauvais usage des représentations. La liberté, ce n'est pas une qualité que l'homme a. Il est libre quoi qu'il fasse. Vous êtes responsable de votre existence. Oui, dans la mesure où je ne me tue pas, bien sûr. Mais enfin, c'est un peu abstrait tout ça. En fait, je vis parce que je suis né. Je suis né parce que mes parents m'ont fait. Je n'ai pas demandé à l'être. Ceci dit, vivant, il faut s'adapter à la circonstance et il faut en tirer les conséquences les meilleures possibles. C'est-à-dire, il faut essayer, c'est le désir et le besoin de tous, de donner la vraie direction à cette liberté que l'on fausse dès que nous naissons. On la fausse parce que nos parents nous conçoivent avec un destin. Ils imaginent que nous serons telle chose ou telle autre. Ensuite, par l'éducation, par l'ensemble des informations que donne la presse, qui, comme vous le savez, sont plus ou moins fausses. Pour l'instant, disons, si vous voulez, que l'ensemble de ces facteurs et beaucoup d'autres font que la personne, tout en se sachant libre, se trouve agir n'importe comment. Il faut retrouver cette liberté du libre organisme pratique, c'est-à-dire du libre corps de chacun, qui doit pouvoir faire ce qu'il veut. Olivier Géragnan, nous parlons ce matin du manuel d'Épictète. Nous ouvrons la semaine sur le manuel d'Épictète et puis vous nous parlez de Jean-Paul Sartre. Ça tombe bien, Nous avons sa voix. C'est une archive radioscopie du 7 février 1973. Alors Sartre, lui aussi, effectivement, pense que nous faisons un mauvais usage de la liberté, que cette liberté nous est donnée mais que nous ne savons pas quoi en faire. Et on voit déjà dans ce qu'il dit, dans ses limitations en fait à notre liberté, nos parents, l'éducation, l'environnement, on voit bien qu'on peut comprendre avec ses limitations ce qu'entendait Épictète avec ce qui ne dépend pas de nous. Est-ce que ce qui ne dépend pas de nous, ce sont précisément ses limitations? Et il faut savoir faire avec pour savoir bien délimiter justement sa liberté. Olivier Géragnon. Oui, alors effectivement, Sartre est un stoïcien dans l'âme. Hein. Pour moi, ça, c'est la thèse que je défends. Sartre a été fasciné par les stoïciens. Et on le voit bien dès les carnets de la Drôle de Guerre. Même dans L'être et le néant, il y a du stoïcisme partout. Il est secret, mais il est là. Je pense néanmoins qu'il y a une inversion chez Sartre par rapport à Épictète. C'est-à-dire que Sartre utilise les catégories morales d'Épictète, ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. On le voit dans les Cahiers pour une morale d'ailleurs. Mais il inverse le rapport entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est-à-dire que chez Sartre, la liberté, elle est engluée dans ce qui ne dépend pas de nous. C'est ce qu'il appelle la facticité investie. Notre facticité, c'est le fait, bon ben voilà, on a un corps, on a tel sexe à la naissance, on est tel parent, etc., telle situation, ce qu'il appelle les situations. Et c'est dans la situation qu'on va devoir faire des choix, donc tragédie de la responsabilité chez Sartre, on va devoir assumer ce qui ne dépend pas de nous pour créer dans la situation, des issues, un chemin. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de normes transcendantes chez Sartre, puisque il n'y a pas de conclusion morale de son ontophénoménologie, fin de l'être et le néant. Donc on ne sait pas vraiment où on va, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit assumer, ce qu'on doit faire, et on pense bien même dans certaines situations, par exemple les situations de guerre, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'on doit assumer, comment on doit être responsable chez Sartre. Là où chez Épictète, c'est le contraire. Chez Épictète, c'est ce qui ne dépend pas de nous est à l'usage de notre liberté. C'est-à-dire qu'il y a une sorte, ici, ce que Sartre aurait refusé, même dans l'être et le néant, où il est le plus radical dans ses théories sur la liberté par rapport à la critique de la raison dialectique. C'est-à-dire chez Épictète, on a vraiment l'idée que la liberté, en un sens, peut faire usage de tout, elle peut faire feu de tout bois pour que nous nous réalisions moralement. Donc c'est vraiment un rapport inverse, il me semble, entre Sartre et Épictète. Alors vous voulez dire, Olivier Géragnon, que chez Sartre, tout ce qui ne dépend pas de moi, je dois faire comme si cela dépendait de moi, comme si je l'avais choisi. Exactement. Et chez Épictète, à l'inverse, au contraire, je dois vraiment faire cette distinction. Ce qui ne dépend pas de moi ne doit absolument pas dépendre de moi et je ne dois pas penser que je peux en user d'une certaine manière par ma liberté. Au contraire, je dois m'en protéger. Alors, si en fait je dois en user, parce que je dois faire mon devoir, donc je dois pas être négligent vis-à-vis de ces choses, mais je ne pourrais en user que si, justement, je le regarde comme ne dépendant pas de moi. C'est-à-dire que la division d'Épictète, elle sert... Allez-y. Okay. La division d'Épictète, elle sert en fait à nous faire comprendre que ces choses qu'on considère être comme des biens qui nous sont propres, par exemple notre corps, par exemple notre argent, notre compte en banque, ce qu'on possède, par exemple nos proches, eh bien ces choses-là, en réalité, sont des indifférents. Donc ces choses-là ne sont pas, ne sont pas nous. Nous ne devons pas nous identifier. Et c'est à condition justement qu'on se représente ces choses comme étant des indifférents, comme ne dépendant pas de nous, qu'on pourra en faire un bon usage. Mais c'est seulement à cette condition-là. Oui. Ce qui est paradoxal, parce que ça veut dire que ce qui nous est indifférent, ce qui ne dépend pas de nous, finalement, on ne range pas tous ces objets, toutes ces personnes dans cette catégorie-là pour s'en désintéresser. Mais pour en faire un bon usage, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que ce qui ne dépend pas de nous ne me regarde en rien, c'est ça? Exactement. Là, on serait dans une forme de cynisme. Le stoïcisme d'Épictète, c'est pas du tout une philosophie du détachement. Et s'il y a une forme de détachement, elle n'est que provisoire. C'est-à-dire, en fait, le but de la division sert justement à nous faire comprendre quelle est la nature de ces choses pour qu'on puisse s'y attacher de la bonne manière. On peut pas prendre soin de nos proches si on s'y attache mal. L'amoureux fou, on parlait de l'amour tout à l'heure, il devient jaloux, il devient possessif. Et il finirait même presque par détruire l'objet de son amour ou se détruire lui-même avec, précisément parce qu'il aime trop, parce qu'il est dans la passion. C'est à l'inverse, en prenant conscience que sur ces choses, nous n'avons aucun pouvoir absolu, que notre pouvoir n'est qu'illusoire, tout relatif que nous pourrons en faire un bon usage. Donc on voit bien que par rapport à Sartre, où chez Sartre on doit assumer, on doit la responsabilité est toujours en excès en fait, hein, on doit assumer ce qui dépend pas de nous pour réaliser l'humanité. Chez Épictète, à l'inverse, on doit se représenter ces choses comme étant totalement différentes de nous, donc c'est une forme de rejet pour pouvoir se les réapproprier ensuite dans l'idée d'un bon usage. Alors on va tout de suite écouter la suite du manuel d'Épictète. Alors on saute quelques propositions, ce sont les propositions 5, 6 et 10, et ça va permettre d'approfondir ce que vous venez de dire, Olivier Géragnan, sur cette idée de ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et ce qui dépend de nous, notamment nos représentations. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les faits, mais les opinions les concernant. Par exemple, la mort n'est en rien redoutable. Mais l'opinion sur la mort, à savoir qu'elle est redoutable, voilà ce qui est redoutable. Par conséquent, lorsque nous sommes en péché, troublés ou affligés, n'en accusons jamais un autre que nous-mêmes, c'est-à-dire nos propres opinions. L'activité propre d'un homme non éduqué, c'est de reprocher aux autres ce que lui-même fait mal. De celui qui commence à s'éduquer, c'est de n'adresser de reproches qu'à lui-même. De celui qui a fini de s'éduquer, de n'adresser de reproches ni à autrui, ni à lui-même. Ne te vante d'aucun avantage qui t'est étranger. Si ton cheval disait en se vantant « Je suis beau », cela serait supportable. Mais toi, quand tu dis en te vantant « J'ai un beau cheval », sache que tu te vantes d'un bien qui appartient à ton cheval. Qu'est-ce donc qui est tien ? L'usage de représentation. De sorte que lorsque tu te maintiens en accord avec la nature dans l'usage des représentations, c'est le moment, vante-toi. Car alors tu te vanteras d'un bien qui t'appartient. Pour tout ce qui te tombe dessus, souviens-toi de faire retour sur toi-même pour chercher quelle faculté tu possèdes pour en faire usage. Si tu vois un beau garçon ou une jolie fille, tu découvriras une faculté pour y faire face, la maîtrise de soi. Si la souffrance se présente, tu découvriras l'endurance. Si c'est l'insulte, tu découvriras la patience. Et si tu t'es ainsi habitué, les représentations ne t'emporteront plus. Alors on a bien compris en écoutant ce texte que l'important pour Épictète, ce sont les représentations. Que faut-il entendre par ce terme, Olivier Géragnan ? La représentation, c'est un concept technique de l'ancien stoïcisme, c'est ce qui dépend pas de nous, et on peut dire que c'est l'interface entre l'âme et le monde. On est dans un matérialisme total, un corporéisme même pour être plus précis, c'est pas un atomisme de type épicurien, et donc notre âme est en permanence affectée extérieurement par des objets, des impresseurs. Et ça produit en nous des représentations. C'est comme ça qu'on a accès au monde, on pourrait appeler ça un événement au sens neutre, hein, c'est-à-dire c'est ce qui nous arrive. Maintenant, ce que veut faire Épictète, c'est montrer qu'il y a, ce que j'ai voulu faire dans ma traduction du manuel, c'est montrer qu'il y a un écart entre la représentation qui est neutre, qui est dogmatiquement neutre, c'est-à-dire qu'elle n'est porteuse d'aucune opinion, et la manière dont on se représente la chose. C'est cette manière dont on se représente, c'est l'usage des représentations. La manière dont la représentation nous affecte, on pourrait dire ? Alors, la manière dont elle nous affecte dépend en fait physiquement de sa propre tension, disent les stoïciens. C'est-à-dire qu'il y a des représentations qui peuvent nous affecter plus brutalement que d'autres. Par exemple, une vague énorme qui va fondre sur le navire sur lequel nous sommes est une représentation brutale et qui peut même provoquer chez le sage, dans l'âme du sage, une sorte de torpeur. Mais cette torpeur ne donnera pas lieu à une passion. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que pour que ça devienne une passion, il faut qu'il y ait un jugement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain usage de cette représentation. L'usage des représentations, ça donne ce qu'on appelle un représenté, enfin ce que j'appelle un représenté, c'est-à-dire un phénomène, pour utiliser la voix passive. Un phénomène, c'est-à-dire une opinion, finalement. Donc la transition, finalement, entre la représentation brute qui a un coefficient d'adversité propre, si on veut reprendre cette expression, et le représenter, c'est-à-dire l'opinion que j'en ai, donc « Ah, cette vague, c'est terrible, un grand malheur va s'abattre sur nous », eh bien cette transition, elle n'est pas naturelle. C'est nous qui, librement, l'opérons par la faiblesse de notre âme. Évidemment, moins notre âme est entraînée, moins elle est ferme. C'est ce que vise à produire la fermeté, c'est ce que vise à produire donc la discipline et l'assentiment qui doit nous rendre sages. Moins elle est ferme, plus elle peut se laisser emporter par des représentations brutales. Et donc on arrive ici à cette théorie de la responsabilité, qui est une théorie radicale, la responsabilité. Finalement, nous sommes absolument responsables de nos émotions. Alors, pas de nos émotions instinctives, ce que les stoïciens appelaient des propatheia, c'est-à-dire des affections préliminaires, ce que je traduis par affections préliminaires. C'est-à-dire, évidemment, les sentiments de torpeur, des froids, bon, ça, c'est des petites émotions qui ne donnent pas lieu à des passions. Mais nous sommes responsables de notre bonheur ou de notre malheur. Et nous en sommes responsables. Pourquoi ? Parce que ce qui nous rend heureux ou malheureux, ce ne sont pas ces indifférents, comme j'ai dit, qui ne font pas la différence entre le bonheur et le malheur. Mais, donc, ça n'est pas les autres, par exemple ? Voilà. Ce n'est pas l'argent. Exactement. Mais c'est ou la maladie, ou la pauvreté, ou ce qu'on veut. Mais c'est nous-mêmes. C'est la manière dont on va envisager, porter un regard sur ce qui nous affecte, c'est ça ? Sur ce qui nous arrive. Exactement. Donc par exemple, si je vous suis bien, mmh. Olivier Géranon, et si je suis bien Épictète, si j'ai une grave maladie... Oui. Si je me sens esclave de cette maladie, des traitements, de ce qui m'arrive, c'est de ma faute, j'en suis responsable, puisqu'il faut que je porte un autre regard sur la maladie, c'est ça ? Oui, parce que l'événement de la maladie en soi est neutre. Déjà, nous sommes mortels, nous allons mourir sans surprise. Et peu importe la manière dont on passera de vie à trépas. La maladie est, dit Épictète, une manière que le Dieu a choisi de nous reprendre ce qu'il nous avait simplement prêté, c'est-à-dire notre corps. Mais finalement, nous ne sommes responsables que de ce qui nous arrive, chose dont nous ne sommes pas les auteurs. Ce qui est paradoxal, ça veut dire qu'on doit assumer la responsabilité d'un fait qui nous tombe dessus, tel alors que ça, la maladie... Là, vous parlez comme Sartre. Peut-être que je suis un peu plus sartrienne oui. que stoïcienne. On voit bien. En fait, nous ne sommes pas responsables de la maladie. Nous sommes responsables de l'opinion qu'on s'en fait, de l'opinion qu'on en a. C'est-à-dire que la maladie, c'est un événement et on voit bien que bon, ben, y a des gens qui réagissent de telle manière, d'autres de telle autre. Donc, ça n'induit en fait aucun état mental pour nous. Il y a pas de, c'est pas sens, il y a des gens qui seraient très heureux, par exemple, de mourir de telle maladie parce qu'ils désiraient quitter la vie ou parce qu'ils trouvent. Il y en a peu quand même. Hein. Il y en a peu, mais ça existe. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour leurs idées. Voilà. Bon. Encore une fois, l'événement lui-même, il est dogmatiquement neutre et il arrive. Bon, c'est une représentation qui arrive sans proposition morale. Donc, dans l'échange qu'il y a entre les représentations et nous, c'est-à-dire entre les événements, finalement, et nous-mêmes, eh bien, on doit pouvoir classer, finalement, l'objet qui nous est présenté par la représentation dans, soit dans la catégorie des choses qui dépendent de nous, soit dans celles qui n'en dépendent pas. Donc, par exemple, la maladie. Mm-hmm. Je la classe dans ce qui ne dépend pas de moi. Oui, c'est un indifférent. Et, en revanche, ce qui dépend de moi, ça va être le fait que je la vive bien ou mal. Exactement. C'est une bonne manière oui, de classer les choses, qui est à la fois, en fait, on pourrait dire une manière de se représenter la responsabilité de manière extrêmement étroite, puisqu'on est vraiment dans une zone protégée en soi, mais ce qui est aussi une responsabilité immense, parce que d'une certaine manière, et c'est l'objection qu'on pourrait faire à Épictète, qu'est-ce qui résiste à nos opinions et à nos représentations ? Par exemple, la maladie, il y a une sorte d'accord commun quand même pour dire que c'est quelque chose d'embêtant, de grave, de dramatique, de tragique même, qui peut nous arriver. Si finalement nous ne le voyons que comme un fait, qu'est-ce qui peut résister en fait à une forme de bon sens ? Vous voyez ce que je veux dire ? Jusqu'où en fait la manière de modifier nos représentations ne nous entraîne pas sur la pente très dangereuse en fait de l'erreur, du mauvais jugement, voire même peut-être du délire. Oui, alors bon, déjà, c'est vrai que les stoïciens de l'époque avaient classé parmi les indifférents des indifférents qui seraient préférables, comme par exemple le fait d'être en bonne santé. Enfin, ils n'étaient pas fous. Quand même. Voilà, ils avaient déjà fait une forme de... Ils n'étaient pas jusqu'au boutiste. Oui, et des indifférents qui ne seraient pas préférables. Mais je pense qu'Épictète se moque de cette... Enfin, bon, il reprend cette définition à son compte, mais il dit que finalement, ce n'est pas ça en fait qui compte. Ce qui compte, c'est, pour la discipline du désir et de l'aversion, ce qui compte, c'est savoir est-ce que je vais réussir en toutes circonstances à être heureux. Ou est-ce que je vais être malheureux ? Si le bonheur dépendait simplement de la chance, est-ce que la chance donne, la chance reprend, je serais fatalement, je serais inévitablement malheureux. Bon, voilà, une maladie qui s'abat sur moi, un cancer, ou que sais-je. Voilà. Donc, l'idée des stoïciens, en tout cas l'idée d'Épictète, c'est vraiment de dire, bon, voilà, la maladie en soi est un événement qui, certes, n'est pas préférable, mais qui est indifférent. Il ne fait pas la différence entre le bonheur et le malheur. Maintenant, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de devoir vis-à-vis de mon corps, en l'occurrence, puisque là, on parle de mon corps, c'est vis-à-vis de cet objet indifférent qui est mon corps. Je dois tout faire pour me soigner. Je dois tout faire pour chercher à guérir. D'accord ? Donc, effectivement, on rabat totalement, on polarise totalement la responsabilité sur l'âme. Et ça, ça vient du fait qu'il n'y a plus de lien de causalité entre l'âme et le monde extérieur. Donc c'est une responsabilité même qui fait coïncider, j'allais dire, l'origine, quelque part, de la responsabilité et son effet, c'est-à-dire l'usage des représentations. Donc là, il y a un repli total, une polarisation extrême. Vous voyez, on n'est pas dans cette dépolarisation absolue de la responsabilité comme on a dans les éthiques d'aujourd'hui, les éthiques du CARE par exemple, où on polarise la responsabilité sur le vulnérable, voire les générations futures. Là, au contraire. Mais cette polarisation extrême permet, et c'est ce que c'était votre intuition, permet de déplier paradoxalement notre responsabilité sur les indifférents qui deviennent des matières à l'usage de notre liberté. Donc c'est pas une manière de se replier, mais au contraire, en fait, de faire un bon usage de ce qui nous entoure. Au lieu de dire non, je vous propose qu'on écoute un troisième extrait d'un texte d'Épictète, pas extrait du manuel, mais de ses entretiens. C'est le livre 2, paragraphe 22, où se trouve le véritable intérêt. En règle générale, ne vous faites pas d'illusions. Tout être vivant n'a rien qui lui soit plus cher que son propre intérêt. Dès lors, quoi que ce soit qui lui paraisse y faire obstacle, s'agirait-il d'un frère ou d'un père ou d'un enfant ou d'un être aimé ou d'un amant, il le hait, il le rejette, il le maudit. Car il n'est rien que par nature, il n'aime autant que son propre intérêt. C'est là son frère, ses parents, sa patrie, son Dieu. Lorsque, par exemple, les dieux nous semblent y faire obstacle, eux aussi nous les injurions. Nous renversons leurs statues, nous incendions leurs temples. C'est pourquoi si l'on vient à identifier l'intérêt, à la piété, à l'honnêteté, à la patrie, aux parents, aux amis, tout cela est sauvegardé. Mais si, d'une part, on place l'intérêt, et de l'autre, les amis, la patrie, les parents et la justice elle-même, c'en est fait de ceci qui cède sous le poids de l'intérêt. Par conséquent, si mon « moi » se confond avec la personne morale, alors seulement je serai l'ami, le fils, le père que je dois être. Car ce sera mon intérêt de sauvegarder la fidélité, la réserve, la patience, la tempérance, la solidarité, de maintenir mes relations sociales. Mais si je me place moi-même d'un côté, et de l'autre l'honnêteté, alors il prend toute sa force le mot d'Épicure suivant lequel l'honnêteté, ou n'est rien, ou si elle existe, est pure opinion du vulgaire. Salut à tous, fidèles auditrices et auditeurs de South Park. Je vais vous passer la chanson d'un jeune artiste local qui m'a fait prendre conscience de mon impact sur la Terre. Voici Stan Marsh qui chante « Hey les gens, achetez des voitures hybrides tout de suite. » Allez tous les gens, il est temps. Maintenant les gens, il est temps. Faut rouler en hybride, il est temps. Il est temps, oui les gens, il est temps. C'est bien mieux pour les gens, il est temps. Pour les poumons des gens, il est temps. Car les hybrides, c'est bien moins polluant. Salut Jimbo, vous avez une hybride vous aussi? Ouais, j'avais envie d'essayer de donner le bon exemple, voyez-vous. Ouais, je crois qu'il nous appartient de montrer le chemin aux gens. Félicitations. Merci. C'est incroyable, certaines personnes n'ont toujours pas d'hybride. C'est fou, ils croient que la Terre leur appartient. Hello, c'est une simple question de bon sens. Désormais, je ne fréquente plus que des propriétaires de voitures hybrides, vous voyez. Tous les autres ne sont que des ignorants stupides. Roulons tous en hybride, allez les gens. Alors on passe de Épictète, les entretiens, interprétés par François Raison, à South Park, saison 10, épisode 2. Danger Snob Fog. Alors on voit cet extrait sur la crise écologique de manière complètement parodique, et ce texte de Épictète nous permet de poser la question finalement, en faisant cette distinction entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, à quoi puis-je m'intéresser? Ce qui ne dépend pas de moi, comment m'y intéresser? Comment en faire bon usage? Et par exemple, la crise écologique, est-ce que c'est une cause sur laquelle j'ai une prise, ou au contraire, est-ce que je dois renoncer à m'y intéresser? D'une certaine manière, comment puis-je faire coïncider mon intérêt avec l'intérêt collectif? Alors effectivement, là, il y a un problème il y a un problème, c'est l'impossible réconciliation de l'intérêt particulier et l'intérêt collectif. La solution d'Épictète, elle est absolument pas utilitariste. Il s'agit pas d'imaginer une sorte de main invisible qui opérait un rééquilibrage entre les égoïsmes particuliers et le collectif, l'intérêt collectif, ou même, si on veut, dans une certaine forme d'utilitarisme, le sacrifice de certains égoïsmes particuliers. Au contraire, il y a une confusion chez Épictète providentielle opéré par la nature entre le bien propre et le bien commun. Seulement, si chacun par nature suit son bien propre, puisque alors ça c'est une conséquence de l'oikeiosis, qui est la doctrine stoïcienne de l'appropriation, qui fait que la nature nous a approprié immédiatement dès notre naissance à certaines choses par l'obtention desquelles nous pourrions réaliser notre bien. Donc si naturellement nous suivons notre bien propre. Le problème, c'est que nous nous représentons mal ce qu'est notre bien propre. Oui, c'est ça. J'allais vous demander comment on fait pour découvrir ce bien propre. Et voilà. Eh bien, la division des choses entre ce qui dépend de nous, ce qui dépend pas de nous, nous permet justement de saisir notre bien propre. Notre bien propre, ça se trouve dans ce qui dépend de nous. C'est là où je suis. C'est là où le moi doit être situé. Paradoxalement, l'égoïste, c'est celui qui ne poursuit pas son bien propre. Tous les hommes, disent les stoïciens, aiment leurs semblables. Ils sont tous philaléloï, comme ils disent. Et néanmoins, il n'y a que le sage qui soit véritablement philanthrope. Pourquoi ? Parce que lui seul sait faire coïncider son bien propre, c'est-à-dire ce qu'il est lui-même, avec le bien commun. Il sait réactiver ce caractère providentiel de la nature, qui est la confusion des deux. Mais encore une fois, il faut bien se représenter où est mon bien. Et donc, on voit bien là dans l'histoire de la crise écologique, c'est fin du monde, fin du mois. L'impossible synthèse, l'impossible en même temps, fin du monde, fin du mois. Et pourquoi cette synthèse est impossible, même de manière utilitariste? Tout simplement parce que la fin du mois n'est pas notre bien propre. Ce qui est notre bien propre, c'est pas notre argent, ce qui est notre mal propre n'est pas la pauvreté, diraient les stoïciens. Évidemment qu'il est préférable de ne pas être pauvre, mais encore une fois, là où nous sommes, là où nous devons nous situer, c'est essentiellement dans notre caractère moral, c'est dans la manière dont nous traitons les autres, c'est dans la manière dont nous comportons vis-à-vis des autres, dans notre propre habitat. Et là, il y a une coïncidence. Donc la planète, la fin du monde, ne nous désintéresse pas, c'est quelque chose qui dépend de nous, au contraire de notre situation, paradoxalement de notre condition. Bien sûr, parce que si jamais nous ne poursuivons que notre bien propre, tôt ou tard nous serons en conflit avec les autres, avec nos proches. Épictète prend l'exemple de l'héritage qui met en conflit des familles, des gens qui ont été élevés ensemble. Parce que justement, les gens ne situent pas leur bien propre là où ils devraient être. Merci beaucoup Olivier Géranian. Je rappelle que de vous on peut lire la traduction et l'appareil pédagogique du manuel d'Épictète aux éditions GF, la traduction, la présentation, les notes des sentences et fragments d'Épictète aux éditions Manutius, excellente édition aussi, et que bientôt on pourra vous lire aux éditions Vrin, ça paraîtra en 2022, l'apprentissage de la responsabilité, et c'est sur le stoïcisme d'Épictète. Merci beaucoup. Merci à vous. I can be happy, I can be sad, I can be good or I can be bad. It all depends on you. I can be lonely out in a crowd, I can be humble or I can be proud. It all depends on you. I can save money or spend it, go right on living, or end it, you're to blame, honey, for what I do. I know that I can be beggar, or I can be king, I can be almost any old thing. It all depends on you. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Frank Sinatra, qui n'était pas très stoïcien, en tout cas il n'avait pas lu le manuel d'Épictète. It all depends on you. Il est 10h54, passé de 30 secondes, et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Que signifie la beauté?